Chapitre 6e, une auberge napolitaine. Le terrain dont on avait parlé pour ce duel était un petit enclos appartenant à un aubergiste dont l'établissement se trouvait non loin de là. Cet aubergiste, sachant la jeunesse de Naples très batailleuse, avait eu l'idée d'offrir ce champ pour les duels moyennant une contribution. Or, avant l'aube, les deux artistes que nous avons vus à la pension suisse réveillaient l'aubergiste qui s'empressa d'ouvrir mais parut fort étonné en reconnaissant ses clients. « Vous ici, maître ? » fit-il en s'adressant au sculpteur. « Quelle imprudence !»« Ne tremble pas, vieux poltron !» dit le sculpteur. « Est-ce qu'on me connaît ?» Puis il demanda. « As-tu dans ton auberge une chambre dont l'on pourrait voir à l'aide d'une lorgnette le duel qui va avoir lieu ce matin dans ton enclos ?»« Il va y avoir un duel ?» demanda l'aubergiste tout radieux. « Oui, maître Coulmerlot !» fit le sculpteur. « Et un joli duel, je t'assure !»« Mais à toi de répondre, as-tu la chambre en question ?»« Certainement, maître !» Hâte-toi alors de nous la donner. » L'aubergiste fit monter ses clients sur le toit de l'auberge en forme de terrasse et les plaça dans une petite chambre construite en belvédère. « Voilà, » fit-il. « C'est bien, » fit le sculpteur. « Sers-nous ton meilleur vin blanc. » Quand ils furent seuls, bien seuls, les deux artistes se mirent à causer. « Me diras-tu enfin, » demanda le paysagiste, « pourquoi nous sommes venus à Naples ?»« Et pourquoi nous sommes ici ?» fit le sculpteur. « Oui, je suis fort intrigué. » « Caro mio !» dit le sculpteur, qui oubliait de donner un accent catalan au dialecte napolitain. Si tu t'es arrivé à être le dieu de Naples, et que tu vis un autre dieu élevé autel contre autel, tu te préoccuperais un peu, n'est-ce pas, de cette concurrence ? Il reprit. Au fond, je ne serais pas fâché de savoir qui de moi ou de ce français est le plus audacieux. Toutefois, tu as raison, il ne s'agit pas de cela. En même temps que je le voyais, je voyais aussi la sœur, mio caro. Par Vénus, tu en es amoureux, comme tout Naples. J'ai hâte de la voir. Ça ne peut tarder. Vers 10 heures, elle paraîtra au salon de l'hôtel si son frère n'est pas tué. Et s'il est tué, je le venge. Tu te battras avec Nello, naturellement. Mais si le jeune homme est vainqueur, je prendrai d'autres mesures. Dans 20 minutes, nous saurons à quoi nous en tenir. Tous deux se levèrent et examinèrent ce qui allait se passer. Des voitures amenaient les adversaires, leurs témoins et leurs chirurgiens. Les deux parties gagnèrent l'enclos, les préliminaires se passèrent comme d'habitude. Nello était sûr de lui. Armand paraissait certain de triompher. On croisa le fer. Celui qui eut revu Armand sous les armes eût été stupéfait du changement qui s'était opéré dans son jeu depuis son duel avec Yalich. Il avait mis à profit par l'étude les avantages que lui donnaient sa taille, sa force et son agilité. Tous les jours, 2 fois, il avait pris le son du maître le plus dangereux de Paris. Négligeant les finesses académiques, les poses de salle, le clinquant de l'art, il avait uniquement tiré en vue du terrain, toujours sur le sol et comme si, à chaque leçon, il se fût agi de sa peau. Nello s'attendait à trouver un adversaire solide, mais lourd. Il était en face d'un tigre. Armand avait un jarret qui lui donnait l'agilité d'un félin, et il était étourdissant. Le pauvre Nello, si supérieur qu'il fût, se trouva déconcerté. Tous ses calculs étaient renversés, et sur le terrain, c'est une cause de démoralisation. Un homme dont le sang-froid est entamé est un homme perdu. En 2 ou 3 minutes, le chevalier fut hors d'haleine. Tout à coup, Armand, qui tenait dans sa main gauche un papier que tout en tirant il avait pris dans la poche de son pantalon, Armand, qui avait encore toute sa vigueur, Armand, sûr de son homme, fit 3 pas de retraite, piqua le papier dans son épée et retomba avec furie sur le chevalier. 10 secondes après, Nello tombait sur un genou, percé à la poitrine. On s'empressa autour de lui. Armand lui avait laissé l'épée dans le corps et reculant de 10 pas, il endossait sa redingote. Le chirurgien retira l'arme et aussi le papier qui engageait l'alarme s'était éteint de sang. L'abbé reconnut le sonnet. Nello n'était pas mort. Le chirurgien déclara que l'on pouvait conserver quelque espoir. Maître Coulmerlo, qui savait son état, avait toujours une chambre prête pour ceux qui étaient grièvement blessés. Il s'empressa de l'offrir. Nello y fut installé. Déjà, les deux artistes espagnols étaient partis, et ils galopaient vers Naples. En chemin, l'un, Carlo, disait à son compagnon, « Voilà une de tes espérances anéanties. Tu ne peux te présenter à la sœur comme le vengeur du frère. »« C'est vrai, mais j'ai d'autres cordes à mon arc. » Et ils entrèrent dans la ville.